Comme moi, dites-le qu'il n'y a jamais eu de source. Qui est-ce qui parle du destin? Ma source, ma source, c'est la suite arrêtée. Qu'est-ce que tu racontes? Elle ne coule plus. Plus du tout. Plus une goutte. C'est la leur aussi, papy. On est foutus. Calme-toi. Ça doit être un cap. Maman, faut qu'on parle. Des questions. Toutes nos nappes sont complètement abîmées, polluées massivement. Nos rivières, c'est la même chose. On peut aller partager. On le voit très bien avec le problème des algues vertes en Bretagne. Aujourd'hui, on a perdu le pouvoir. On n'est pas capable d'imposer depuis 30 ans un problème de qualité. Le problème, c'est que maintenant, c'est la quantité qui pose problème. C'est-à-dire que cette masse d'eau, si vous voulez, cette ressource en eau, elle est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Je vois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Pour la terre, on fait la guerre. Pour l'eau, on négocie. C'est par ces mots que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, soulignait la délicate question que représente l'eau. En effet, si cette ressource est vitale et tend à se raréfier, elle constitue de fait un enjeu entre les grandes puissances. Ce bien si précieux, quasi inestimable, tue et fait débat. Mais quel avenir pour l'eau et surtout à quel prix ? Pourquoi la gestion de cette ressource est-elle si problématique ? L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour, bienvenue sur le podcast Agro J'écoute. Nous sommes trois étudiantes, Elsie, moi-même, Selma Lebrec. Bonjour. Et Marielle Zayana. Bonjour. Et nous réalisons ce podcast dans le cadre de notre dernière année. Et oui, c'est déjà la fin. Alors avant de partir, on voulait vous parler de sujets qui nous tenaient à cœur. L'eau, simple sujet, et pourtant il fait débat. Nous aurons le plaisir de recevoir dans la deuxième partie Madame Tagus, chercheuse en géopolitique de l'eau, rattachée à l'Institut d'études de géopolitique appliquée situé en Île-de-France. Nous sommes très heureuses de pouvoir l'accueillir dans ce podcast afin de nous éclairer sur les aspects géopolitiques que cette question de l'eau soulève. Et avant ça, un petit rappel nous semble nécessaire pour bien comprendre l'importance de cette ressource. L'eau existe sous trois formes sur notre planète. Elle est solide sous 0 degré, sous forme gazeuse au-dessus de 100 degrés et entre les deux, elle est liquide. Les stocks mondiaux de la planète sont répartis à 97,5% d'eau salée et à 2,5% d'eau douce. Si vous prenez une bouteille d'eau d'un litre, cela fait 1 litre d'eau salée et 5 cuillères à café d'eau douce. La répartition de l'eau douce est inégale en fonction des régions. Par exemple, on a les glaciers et la couverture neigeuse qui représentent 70% de l'eau douce planétaire. On a l'eau souterraine qui représente 30%. Et les lacs et les réservoirs en surface représentent seulement 0,3%. On comprend donc pourquoi elle est si débattue au vu de sa rareté. L'eau représente donc une ressource fragile, vitale et irremplaçable. On aura beau calculer le volume d'eau disponible par habitant pour tout le globe, qui est d'ailleurs l'équivalent de 2 piscines olympiques par personne, mais ça ne reflétera jamais la disponibilité réelle de l'eau de la population. Car tout dépend de la capacité des États à mobiliser cette ressource et à la rendre accessible. Et pour ça, il faut posséder les savoir-faire et les capacités financières suffisantes. En effet, tu as raison, c'est cette capacité à mobiliser la ressource qui est déterminante pour comprendre les enjeux liés à l'eau. Et ces enjeux ne datent pas d'aujourd'hui. En effet, les premiers puits font leur trace il y a au moins 8000 ans avant notre ère. Et les premières traces d'agriculture irriguée date du 5e millénaire avant notre ère en Mésopotamie, la région située entre le Tigre et l'Euphrate qu'on a souvent entendu parler dans nos cours d'histoire-géographie au lycée. Ces innovations telles que l'irrigation souvent nées dans des régions où les ressources étaient peu abondantes et où les précipitations pouvaient faire défaut On peut prendre l'exemple des pays tels que l'Iran ou l'Irak. Et ces innovations ont ensuite pu être diffusées à l'ensemble du globe, à la faveur d'échanges commerciaux, mais aussi de conquêtes militaires. Cependant, depuis que nous avons eu accès aux énergies fossiles abondantes et bon marché, nous avons augmenté de manière vertigineuse nos impacts sur le cycle de l'eau. Mais du coup, Marielle, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur le cycle de l'eau ? Oui, bien sûr. En fait, le cycle de l'eau, c'est comme le perpétuel voyage des molécules. L'eau de l'atmosphère, à l'état de gaz, se condense et crée des petits nuages. Donc d'abord les cumulus, jusqu'au cumulonimbus, le nuage qui est responsable de nos orages. Puis l'eau, trop lourde, retombe sur la Terre sous forme de pluie. Elle ruisselle et forme des ruisseaux qui alimentent des fleuves, puis ensuite se jette dans la mer. Ensuite, le soleil, bien sûr revenu, permet à l'eau de s'évaporer et l'eau revient donc à l'atmosphère, et ainsi de suite. Mais ce cycle peut être perturbé par le changement climatique, justement dû à l'usage de ces énergies fossiles. La température de l'atmosphère étant plus importante, l'eau s'évapore plus rapidement et une partie du cycle n'a pas le temps de se faire. Cela a donc pour conséquence d'avoir, par exemple, des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes. Tu disais donc, Kelsey ? Oui, donc je reviens sur les énergies fossiles. Ces énergies ont permis l'industrialisation de notre agriculture et de tous nos biens matériels. Et par conséquent, nos prélèvements en eau à l'échelle mondiale ont littéralement explosé depuis le début du XXe siècle et ils augmentent à un rythme bien plus élevé que la croissance démographique. En effet, au cours du XXe siècle, les prélèvements ont augmenté deux fois plus vite que la taille de la population. Alors que les tensions autour de l'eau se développent un peu partout, les derniers engagements de l'État français pour faire face à la crise hydrique au travers de son plan national de l'eau poussent évidemment à s'interroger. Les dispositions annoncées cherchent à réduire de 10% les prélèvements nationaux d'eau douce d'ici à 2030. Mais les mesures prévues ne suffiront peut-être pas à limiter l'insécurité sur la question des ressources en eau et nécessitent une politique globale. Et qui dit insécurité dit conflit. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des personnes qui se battent tous les jours pour cette ressource en eau, que ce soit en France ou partout dans le monde. Donc moi, je pense que c'est judicieux de parler de plusieurs échelles de conflits autour de l'eau. On a d'abord une échelle locale qui, elle, va être entre différents secteurs ou parties d'une population locale. Et là, je vais vous donner un exemple typique. Ce serait l'exemple de ce qu'on a vécu à Sainte-Soline en mars 2023 au sujet des retenues d'eau artificielles, substitutionnelles. Donc ce conflit, il opposait une grande catégorie d'acteurs, que ce soit des citoyens, des agriculteurs, des personnes du monde agricole ou non. Et tout ça sur la question du stockage de l'eau, mais plus largement, moi je pense que cet événement, il nous a vraiment révélé l'inquiétude globale qu'il y avait sur la population au sujet de cette disponibilité de cette ressource, de ses usages et de sa répartition. Il y a eu plusieurs événements comme celui-ci les années dernières. Rien qu'en France, pour en citer quelques-uns, on a entendu parler du barrage de Sivens dans le Tarn, celui du lac de Tignes, ou encore j'ai plus d'exemples. Finalement, beaucoup de conflits sont à propos des retenues artificielles d'eau. Et comme beaucoup de retenues sont construites et sont connues pour être pour le monde agricole, pour l'irrigation, une majorité des conflits, finalement, opposent une partie de la population à ce monde agricole-là. Et du coup, pour mieux comprendre ces conflits locaux, il nous a paru important de souligner les grands secteurs de prélèvement et de consommation d'eau en France et dans le monde. Mais la consommation et les prélèvements, ce sont bien deux choses différentes. Donc, par prélèvement, on a entendu l'eau qui est prélevée dans le milieu naturel, mais qui est rejetée après son utilisation. Donc, selon l'Office français de la biodiversité, la moitié des prélèvements en eau douce sont à destination du refroidissement nucléaire et de la production électrique. Et l'agriculture ne représenterait que 10% de ces prélèvements. Et pour autant, lorsqu'on parle de consommation, on entend la ressource prélevée et non restituée au milieu. Et c'est là qu'intervient le ministère de la Transition écologique, qui publie en 2022 que l'agriculture est la première activité consommatrice d'eau avec 57% de consommation devant l'eau potable qui représente, elle, 26%. Le refroidissement du milieu nucléaire qui, là, représenterait 12% et l'industrie qui représenterait seulement 5%. Donc plutôt, Selma vous a parlé de conflits locaux qui gravitent souvent autour du milieu agricole. Et le fait que beaucoup de militants écologiques s'emparent de cette question de l'eau en agriculture est sûrement dû au fait que, contrairement à d'autres secteurs tels que l'industrie ou le nucléaire, elle représente tout de même le secteur qui restitue le moins d'eau à son milieu, donc au niveau de la consommation. Donc ça, c'était les conflits à l'échelle locale. Et donc sur d'autres échelles, ça donne quoi ? Bien, on voit bien que les conflits liés à l'eau sont plutôt généralisés dans le monde et ne sont pas uniquement propres à la France, puisque l'ONU s'en est saisie et en 2010 a reconnu un droit fondamental à l'accès à l'eau et en quantité tant en qualité pour tous. Cependant, même si l'accès à l'eau potable est devenu quelque chose de reconnu, nous ne sommes pas tous nés égaux face à la disponibilité de la ressource en eau. Selon l'UNICEF, c'est près d'une personne sur trois qui n'a pas accès à une alimentation domestique de l'eau et près de deux tiers de la population qui doit boire de l'eau insalubre. Toutes ces personnes sont aussi majoritairement situées en Afrique et en Asie occidentale. C'est par ailleurs les régions du monde qui connaissent le plus de conflits liés à l'eau, et notamment parce que ce sont les zones les plus défavorisées par la répartition en eau douce, donc par leur situation géographique et leur climat, mais aussi par le fait que l'eau douce est beaucoup moins extractible qu'en France. Donc même si cette zone représente 43% de la population mondiale, elle n'a accès qu'à 1% des ressources en eau douce renouvelables dans le monde. En plus de cette faible disponibilité en eau, ces pays doivent se partager souvent une eau qui provient de la même source, et c'est souvent des sources frontalières. Donc par là, j'entends des fleuves frontaliers, donc c'est comme le Nil, le Euphrate ou le Tigre. Ces cours d'eau, ils sont alimentés par des pluies ou d'autres petits cours d'eau ou des sources souterraines. Mais le problème, c'est qu'en étant frontaliers, il y a des pays qui se permettent de prélever beaucoup pour eux, pour subvenir à leurs besoins agricoles, électriques ou autres. Ça fait que les pays en aval ont beaucoup plus de difficultés à subvenir à leurs besoins et à avoir accès à cette eau. Et tout cela, c'est sans prendre en compte l'impact du changement climatique, où le stress hydrique sera de plus en plus important dans cette région qui est déjà beaucoup défavorisée. On remarque aussi que certains pays, en amont des fleuves transfrontaliers, ont une gestion plutôt stratégique des débits de l'eau. On peut citer par exemple la Chine, qui possède la moitié du Mékong, qui est quand même le 10e fleuve au monde. Elle y a érigé de nombreux barrages et les contrôle soigneusement afin d'exercer plus ou moins de pression sur les États voisins. Mais autour de ces conflits hydrauliques gravitent aussi des pays occidentaux, parfois à des milliers de kilomètres de la ressource concernée. De par la conséquence de la colonisation, où certains pays d'Europe ont laissé des pays aux frontières assez floues, fragmentant les bassins versants et donc les différentes ressources en eau, créant ainsi une répartition inégale de l'eau et pouvant aussi amener à des conflits. Mais il y a aussi certains pays, notamment lors de la guerre froide, qui ont financé et aidé à la confection d'infrastructures pour nourrir certains conflits à leur avantage. Donc par exemple, les États-Unis et l'URSS ont financé beaucoup de barrages afin d'accéder à des points plus ou moins stratégiques pour se confronter. Donc, par exemple, ces deux puissances se sont disputées le financement du barrage d'Assouan en Égypte, car ce pays était enclavé entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, ce qui représentait une position tactique pour les deux blocs. Et selon un professeur chercheur à l'Université des sciences de la Terre, des océans et de l'atmosphère en Oregon aux États-Unis, la majorité du coup de ces conflits liés à l'eau reste non armée, mais il n'en va pas de soi au Moyen-Orient et en Asie occidentale. Notre correspondante Charlotte Tagus, chercheuse en hydropolitique, va nous en parler, mais avant, nous souhaitions faire une petite pause musicale avec Plus rien des Cowboys Fringants. Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivent les parents de mon arrière-grand-père. Qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons. Et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux. Où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'était les Cowboys Fringants avec la chanson Plus Rien. Cette chanson elle date de 2004 et vous voyez que déjà les Québécois avaient conscience de la ressource de l'eau et du réchauffement climatique et de l'impact que ça aurait dans le monde. Moi, je trouve que c'est une chanson un petit peu précurseur de ces événements. Bon, maintenant, on va accueillir Charlotte Tagus, qui est une chercheuse à l'Institut d'études géopolitiques appliquées, pour nous parler de la place de l'eau dans des conflits armés, notamment celui de l'Israël et de la Palestine. Bonjour Charlotte. Pour introduire cette partie, on est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre parcours, brièvement ? Je suis à la fois politiste et juriste internationaliste. Et chercheuse en géopolitique au sein de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, qui est un think tank que vous avez cité en introduction. Et en parallèle, je réalise une thèse sur la protection de l'eau en période de conflit armé dans l'hydropolitique contemporaine. Et j'ai par ailleurs un parcours en tant qu'officier spécialiste en relations internationales au sein de l'armée de terre, qui recoupe également les activités qui sont les miennes aujourd'hui, même si je n'occupe plus ces fonctions. Donc voilà ce que je pourrais en dire pour rapidement par rapport à ça. Merci pour votre réponse. Selma, tu voulais poser une question ? Oui, moi je me demandais pourquoi vous êtes intéressée à l'eau dans vos études et quand est-ce que vous avez commencé à l'étudier du coup et quelles sont vos thématiques de recherche principales ? En réalité, j'ai commencé à m'intéresser de manière plus naïve évidemment à ce sujet quand j'étais déjà très jeune. Parce que j'ai vite compris que c'était un enjeu assez particulier puisque je m'en rendais bien compte que tous les pays dans le monde n'avaient pas accès, toutes les populations n'avaient pas accès à l'eau de la même façon. Et ça a recoupé par la suite mes études, en particulier quand je les ai réalisées à Sciences Po Bordeaux, dont je suis diplômée en relations internationales. Donc ça a recoupé les options de politique internationale et environnementale que j'ai suivies dans le cadre de mon cursus à Sciences Po. Et notamment dans le cadre de mes échanges universitaires au sein de l'Université Laval, puisque le Canada est quand même assez axé sur ces questions de manière générale dans le cursus académique. Pour revenir au sujet principal de ce podcast, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales ressources en eau au Moyen-Orient, à quoi elles servent et quelle est la part de l'agriculture dans cette région ? Alors, en réalité, les ressources en eau au Moyen-Orient, on va retrouver peu ou prou les mêmes dans d'autres parties du monde. Il n'y a pas vraiment de spécificité particulière par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va retrouver des ressources en eau à la fois de surface et souterraine. Et d'ailleurs, là, je renvoie à l'évolution de la codification du droit international de l'eau à ce sujet, puisque aujourd'hui, elle appréhende vraiment les ressources en eau, comme vous le dites, en termes de système, c'est-à-dire que on appréhende le cours d'eau international comme un ensemble unitaire d'eau de surface et souterraine. Donc évidemment, le Moyen-Orient ne coupe pas davantage à cette réalité que d'autres régions du monde. Donc quand je parle de ressources en eau, moi en tout cas d'un point de vue géopolitique, j'en ai une appréhension élargie. Je parle de ressources, non pas de réserves, qui fait davantage par exemple référence à de l'eau stockée. Et c'est une terminologie que l'on retrouve en droit international humanitaire et qui est donc insuffisante au regard de ce que représente la ressource en eau. Donc, pour faire le lien avec le Moyen-Orient, évidemment, on va retrouver les ressources en eau au sens large. Donc, ça va être les cours d'eau, c'est-à-dire les fleuves, les rivières. Mais on peut aussi le recouper avec les puits, par exemple, et l'eau stockée dans les barrages. Si je fais le lien, par exemple, avec le conflit actuellement en Israël, Israël-Hamas, donc la situation à Gaza... je peux faire le lien avec l'importance de l'irrigation, puisque les zones irriguées majeures qu'on retrouve en Palestine sont à Gaza, entre autres, et aussi dans la vallée du cours d'eau du Jourdain. Pardon. Et en réalité, en termes de géopolitique, il faut aussi réfléchir en termes de triptyque sécuritaire autour de l'eau, de l'eau, l'alimentation et puis l'énergie. Et évidemment, le rôle que joue l'agriculture par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique énergétique qui provoque celle de l'eau et de l'alimentation elle-même dans le cadre du conflit. Étant entendu que l'or bleu joue évidemment un rôle important en matière d'irrigation. Et pour faire le lien avec le cycle d'usage de l'eau, donc là je parle bien du cycle d'usage de l'eau et non pas du cycle de l'eau que vous avez évoqué pendant votre intervention. Donc en termes d'extraction par exemple de la ressource, de pompage, de dessalement, de distribution, de transport, etc. Pour donner deux occurrences par rapport à ça, on a actuellement une destruction des traitements, des infrastructures de traitement et d'assainissement de l'eau, ce qui fait qu'on a une eau impropre à la consommation à Gaza de ce fait. Et puis, donc on voit là le lien avec l'étape du dessalement dans le cycle d'usage de l'eau. Et puis aussi en termes de distribution, puisqu'on se souvient que l'État d'Israël avait décidé la fermeture des vannes suite au massacre perpétré par le Hamas le 7 novembre. Et puis a finalement décidé, une semaine après l'attaque, de la reprise de la distribution de l'eau dans le sud de Gaza. Donc on voit bien les occurrences qu'on a en termes d'indépendance énergétique, alimentaire et d'agriculture, et puis de l'eau en temps de conflit armé, puisque finalement les réalités de du cycle d'usage de l'eau en temps de paix viennent se superposer à ce qu'on retrouve, ce qu'on peut retrouver en période de conflit armé. Voilà ce que je pourrais en dire concernant l'agriculture et puis le lien avec le Moyen-Orient. J'en donne une illustration à travers ce conflit parce qu'il est actuel et que je pourrais en multiplier les exemples, mais je pense pas qu'on va en avoir le temps. Est-ce que les conflits comme cela, ils ont toujours été présents ou est-ce qu'ils ont émergé il y a quelques années ou... Alors, l'eau au cœur de conflictualité, c'est pas un phénomène nouveau. On trouvait déjà le rôle un peu sensible de l'eau dès l'Antiquité, par exemple. Alors, en tant que tel, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de conflit de l'eau en tant que tel, mais plutôt l'eau qui joue un rôle de plus en plus prépondérant dans le cadre d'un conflit qui est déjà préexistant. En réalité, ce qui va venir vraiment accélérer la question de l'eau, le rôle de l'eau dans un conflit, ça signifie souvent qu'on a des conflictualités préexistantes en termes politiques, des États qui sont ennemis, si je parle en termes de relations internationales, comme la Syrie et Israël, par exemple, puisque j'évoquais l'exemple du Proche-Orient, sur la question de l'eau. Donc, par exemple, si je fais le lien avec ce conflit, pour répondre à votre question, le rôle vraiment prégnant de l'eau dans la conflictualité au Proche-Orient et par rapport à l'État d'Israël, on va la retrouver depuis 1947, en fait, et la création de l'État d'Israël. Donc ça a commencé avec les guerres israélo-arabes en 1948 et en 1949. On a eu une appropriation et une utilisation unilatérale, pour faire simple, des eaux du Jourdain par Israël, qui a donc favorisé à travers cela ces projets hydrauliques et d'irrigation d'envergure, puisque l'agriculture a été vite érigée comme priorité par Israël. Et ça nécessite une maîtrise, évidemment, des ressources en eau. Et par suite, on a eu une succession de conflits jusqu'à la guerre des six jours de 67. Et là, Israël a mis en œuvre son projet du National Water Carrier, donc qui repose sur un développement du détournement des eaux du Jourdain. Et donc avec toutes les conflictualités que ça a provoqué par rapport à la Syrie notamment. En fait, la guerre des six jours, ça recoupe une extension du contrôle territorial et de la sécurisation des ressources en eau et de l'exploitation du Jourdain par Israël. Qui a d'ailleurs annexé le plateau du Golan à cette occasion. Le plateau du Golan est syrien à l'origine et qui n'a toujours pas été restitué à la Syrie à ce jour. Donc on voit bien ici la dimension de sécurité hydrique rattachée à une représentation de la sécurité nationale d'Israël. Jusqu'à ce jour, ça se formalise par des difficultés en termes de formation et de viabilité d'accords entre la Syrie et Israël, par exemple sur la question des gestions de la gestion de l'eau, puisque on parle ici de cours d'eau international et puis de gestion de ressources en eau partagées. Et donc, ça montre que l'enjeu géopolitique de la gestion de l'eau au Proche-Orient, c'est à la fois un enjeu de sécurité hydrique, évidemment, mais aussi un enjeu de représentation qu'on pourrait définir en termes de souveraineté, puisque les États tels que la Syrie, l'Israël ou encore la Jordanie se représentent véritablement aujourd'hui l'enjeu de l'accès à l'eau comme constitutif de la sécurité nationale. C'est notamment la perception qu'a la Syrie du plateau du Golan. Et je pourrais faire... là, je vous évoque le Proche-Orient, mais je pourrais vous faire un parallèle, par exemple, avec le bassin du Nil, où je pourrais évoquer d'autres bassins, hein, d'autres cours d'eau internationaux, puisque la gestion de l'eau, c'est aussi une géopolitique de la gestion de l'eau. Et donc, par exemple, dès les années 50, on a l'Égypte aux prises avec le Soudan, qui a réalisé des raids aériens ou des activités un peu de prédation sur cette question de l'eau. Donc, des raids aériens, par exemple, en 85, puisqu'elle percevait l'Égypte, disons, les activités du Soudan comme étant une menace sur la sécurisation de ses ressources en eau sur le Nil. Et puis, en 71 aussi, on peut évoquer l'inauguration du grand barrage d'Assouan, qui avait déjà fait l'objet de controverses entre les États du bassin, avec toutes les thématiques de risque en termes de sécurité environnementale, par exemple. Et jusqu'à aujourd'hui, si j'en fais l'actualité, l'Égypte est challengée, disons, aujourd'hui, dans son statut de puissance régionale hydro-hégémonique, c'est-à-dire que à travers la puissance de l'État égyptien, l'État égyptien a d'ordinaire un rôle, disons, dominant, influent sur le bassin du Nil, même si l'Égypte est plus en aval, d'ailleurs, dans ce bassin. Donc c'est davantage lié à une position en termes de puissance plutôt qu'à une position géographique. Et disons qu'aujourd'hui, il y a une évolution du statu quo à cet égard dans la géopolitique de la gestion de l'eau dans la Corne de l'Afrique, puisque l'Éthiopie, qui est d'ailleurs entré dans le club des émergents aujourd'hui avec les briques à 11. Ouais. Et puis le grand barrage de la Renaissance qui a été récemment exploité et mis en service période 2020-2022 par l'Éthiopie. Voilà, on voit bien que cet émergent challenge aussi en termes de puissance et de rivalité régionale la puissance hydro-géomédique égyptienne sur le bassin du Nil. On voit bien aussi avec, si je prends un exemple, la négociation d'un accord tripartite avec le Soudan et l'Éthiopie. On voit que c'est difficile aujourd'hui d'y parvenir. Et puis l'Égypte est amenée de plus en plus à devoir se mettre à la table des négociations sur cette question et à solliciter la fin du remplissage du grand barrage de la Renaissance, par exemple, auprès de l'Éthiopie. Malgré la complexité de ces conflits, on se posait aussi la question et on voulait avoir votre avis sur l'influence du changement climatique sur ces conflits déjà présents et si vous voyez le partage comme de plus en plus complexe entre les lacs, les retenues collinaires, entre les différents acteurs. Oui, alors le changement climatique en général, en réalité, il est souvent transversal. Par exemple, à tout ce que je viens de développer au préalable. Là, je peux prendre un exemple très très prégnant aujourd'hui, c'est la Corne de l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, c'est véritablement une des régions du monde les plus critiques en termes d'urgence climatique, liée à la sécheresse accélérée par le phénomène du changement climatique, les phénomènes El Niño, La Niña, donc ça a un impact aussi en termes de régime de précipitation. Et donc, ça a une incidence en termes d'insécurité environnementale et en termes géopolitiques. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de la Somalie, qui a déjà vu des épisodes de famine meurtrière à cause de la sécheresse accélérée sous l'effet du changement climatique. Et donc, qui se traduit par une insécurité alimentaire et hydrique, comme en 2011, par exemple. Et vient se superposer à cet enjeu du changement climatique, par exemple l'enjeu du djihadisme. Donc on a vraiment une abrogation des menaces, parce que par exemple la ville de Baidoa en 2011, donc qui faisait face à une crise humanitaire et une famine importante pour les raisons que je viens d'évoquer, l'aide humanitaire a été mise en échec à cause du contrôle des Shabab, donc du groupe terroriste islamiste Shabab, qui contrôlait la ville en fait. Donc vous voyez un peu les occurrences que ça peut avoir, notamment en termes géopolitiques. Et puis je peux prendre aussi l'exemple du Kenya, avec le comté de Baringo, qui est en stress hydrique absolu de manière quasi chronique aujourd'hui avec l'assèchement de points d'eau. Et donc on a une superposition ici du changement climatique, donc, puisque c'est l'objet que je développe. Et des conflits de type intercommunautaire. Par exemple, aujourd'hui, on a les Tugen, donc une population de cultivateurs localisée dans le centre et dans le sud du pays, avec les Pokots, qui sont des nomades pastoralistes. Donc on voit bien cette rivalité entre agriculteurs sédentaires et puis population nomade et pastoraliste, donc avec une implication d'insécurité. Et puis je pourrais prendre aussi l'exemple du Soudan, par exemple, où on retrouve aussi des conflictualités intercommunautaires qui vont se combiner, par exemple, aux situations de catastrophes naturelles et d'inondations chroniques, sur fond de crise humanitaire. Donc on voit bien, pour conclure là-dessus, que On a une imbrication des dimensions de catastrophes naturelles, changements climatiques, aux différentes formes de conflictualité qui peuvent prendre d'ailleurs la forme de conflits armés. Et puis, avec comme conséquence l'afflux de populations déplacées et réfugiées, notamment. Donc, tout ça avec évidemment un enjeu d'insécurité alimentaire croissant. Oui, bien sûr. Et puis, pour donner un exemple quand même assez parlant de ce point de vue-là, on a le Kenya qui avait déclaré en 2021 la sécheresse comme catastrophe nationale. Donc, c'est dire aujourd'hui l'incidence du changement climatique sur ces phénomènes et les répercussions géopolitiques que ça peut avoir, telles que je viens de les évoquer. Ok, merci beaucoup, madame. En guise de conclusion, parce qu'on arrive un peu au bout du temps, si je vous demandais d'expliquer la cause des conflits à un enfant en deux phrases, vous lui diriez quoi ? Alors, je prendrais l'origine en expliquant simplement, évidemment, pour faire simple, que on a une ressource en eau sous toutes ses formes, que ce soit les fleuves, les rivières, les eaux de surface, l'eau qui existe sous terre, qui est de plus en plus rare, qu'on a de moins en moins, et que donc ça favorise les conflits entre les États et d'autres entités, entre les individus aussi, les peuples dans le monde. Pour faire simple, et voilà, enfin, je pense que je parlerai en ces termes, plutôt que de parler en termes de géopolitique, je pense que parler de conflits et de tensions, ce serait peut-être plus parlant. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette intervention. Nous pouvons conclure que, bien qu'en surface, l'eau n'apparaît pas tant un enjeu géopolitique, elle en est pourtant au cœur. Et le conflit israélo-palestinien en est bien un exemple. Nous avons voulu retenir une citation de Ismaël Serraj El-Din, qui était vice-président de la Banque mondiale, qui a déclaré en 1995 que les guerres du XXIe siècle auront l'eau pour enjeu. Dans un contexte de changement climatique, il nous a paru évident que les tensions déjà existantes allaient sûrement pouvoir s'amplifier. Néanmoins, on espère que par une gestion collective de cette ressource qui est si précieuse, cela permettra une coopération internationale et une paix, pardon, que je l'espère, durable. Ce podcast est déjà fini, mais si vous voulez approfondir vos connaissances en géopolitique de l'eau, Madame Tagus sortira en 2024 un livre intitulé « L'hydropolitique chinoise du Mékong, entre perception et réalité » aux éditions Spinel. Nous tenons à remercier l'École d'ingénieurs du Purpan et Campus FM qui nous ont accompagnés pendant toute la production de ce podcast, l'Université fédérale de Toulouse, l'Agence de l'eau à Dourgaronne qui nous a aidés à financer ces séance d'enregistrement. Vous pouvez réécouter ce podcast sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts et bien sûr sur le Mixcloud de Campus FM. Merci beaucoup, au revoir.